entends-tu au loin sonner le tocsin, les bruits de bottes et la haine qui revient. Le cri des milliers pour un instant damné, d'un ciel ombragé brillant de liberté. Entends-tu au loin le cliquetis de nos chaînes, quand dans la rue nos enfants se déchaînent? Oh, sauras-tu au moins rendre à ton prochain ce qui te retient, ce qui lui revient? Les bruits de bottes et la haine.